Bonjour, bienvenue sur le 89.5 de la bande FM www.radiodio.org. Vous êtes bien branchés sur Dio, Radio Dio en effet, sur Saint-Étienne et périphérie. Bienvenue en ce jeudi 16 mai 2013, troisième jeudi du mois, consacré comme à l'habitude à quelques programmes qui interviennent ces jeudis-là en alternance. Le troisième jeudi du mois, c'est l'émission consacrée au Grémos qui a lieu et qui vous est donc proposée aujourd'hui. Le Grémos, c'est le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Je rappelle que ce sont des enseignants, des chercheurs et des étudiants de différents laboratoires de Saint-Étienne qui ont constitué, il y a maintenant quelques années, c'était en 2007, ce groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois sous la direction de Daniel Colson et de Jean-Michel Steiner, qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de retrouver sur cette antenne. Mémoire menacée, disparition de témoins, évaporation d'archives. En tout cas, tout l'objectif de cette association est bien de mettre en place finalement un véritable inventaire et une sauvegarde de la mémoire ouvrière stéphanoise. Une démarche interdisciplinaire, le Grémos veut faire intervenir et travailler en commun des enseignants, des historiens, géographes, architectes et des étudiants ou étudiantes en sociologie, et c'est le cas aujourd'hui avec Frédéric Barré qui est là pour mener et animer en partie cette émission. Bonjour Fred. Bonjour. Bienvenue sur le 895, une émission un peu particulière aujourd'hui pour cette émission mensuelle de ce mois de mai, et d'ailleurs pour terminer la saison, hein, puisque cette émission de ce mois ainsi que celle de juin sera consacrée à la guerre d'Espagne et donc à la révolution espagnole de la fin des années 30. Oui, enfin en partie, c'est-à-dire que bon, on va baser ces émissions, ces deux émissions, sur des données brutes, c'est-à-dire plutôt que les émissions précédentes qui consistait plutôt en une production scientifique avec les collègues historiens du Grémos. Donc là, on va essentiellement donc diffuser des extraits d'entretiens, des entretiens donc qu'on a réalisés avec des collègues sociologues. Bon, l'émission d'aujourd'hui est préparée avec deux collègues sociologues qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Je me trouve toute seule derrière le micro, donc Sophie Pichon et Laetitia Juban. Donc je vais vous présenter donc des extraits d'entretiens qu'on a sélectionnés. Ça va être l'occasion de voyager un petit peu, tout d'abord pas très loin à Rouen. Bon, Rouen, c'est quand même le champ d'études du Grémos, puisque le monde ouvrier stéphanois, ben, il va dans le Pila, il va dans les monts du Forez, il va également jusqu'à Rouen. Et à Rouen, on a eu la chance de rencontrer deux personnes qui sont des anarchistes espagnols, Antonio et Berenguer. Antonio, né en 1927, Berenguer, né en 1930. Donc ce sont des entretiens qu'on a réalisés en 2008 avec Daniel Colson, également sociologue. Donc on est allés tous les deux, Daniel et moi-même, à Rouen pour rencontrer Antonio et Berenguer. Donc les extraits qu'on va présenter aujourd'hui sont des extraits qui vont concerner plutôt l'enfance d'Antonio et Berenguer. Donc Berenguer qui avait 6 ans, 36, Antonio qui avait 9 ans. Donc enfance pendant la guerre d'Espagne, la révolution espagnole. Donc courts extraits consacrés à cette enfance. Puis on parlera également de leur émigration vers la France. Dans la prochaine émission, au mois de juin, on les retrouvera à Rouen. On parlera plus de leur vie rouennaise. Donc avant de resituer un petit peu le contexte historique, je vais préciser les conditions de l'entretien. Donc Daniel Colson et moi-même, on a été mis en relation avec Antonio et Berenguer par le biais de la CNT stéphanoise, puisqu'ils se sont adressés à la CNT stéphanoise dans le souci de lui confier leurs archives papier. Puis donc, comme on était également, donc on est membre de la CNT tous les deux, on est également sociologue, membre du Grémos, on s'est dit, bah tiens, on va réaliser des entretiens, ça va être très intéressant. Donc voilà, on les a rencontrés chez deux amis de la CNT, donc rouennaise. Ces entretiens ont lieu d'une part d'une façon un petit peu informelle au cours d'un repas qui a été enregistré, donc ça va correspondre aux premiers entretiens, donc un petit peu des bruits de fond sur ces premiers entretiens qui traitent de l'enfance d'Antonio et Berenguer. Puis après, dans une deuxième partie, on s'est assis vraiment en posant un micro, puis là en faisant de l'entretien beaucoup plus formel. Donc, mais avant d'écouter les entretiens, on va peut-être resituer un peu le contexte historique. Donc l'Espagne de 1936 avec déjà une petite musique pour nous mettre en bouche. Voilà, on se met en ambiance musicale. Buena palita les dio, ay Carmela, ay Carmela. El pulo de los traidores. Lo descarga su aviación. Ay, Carmela, ay, Carmela. Lo descarga su aviación. Ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada puede bomba. Pero nada puede bomba. Donde sobra corazón. Ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataque muy rabioso, bumba, bumba, bumba, bumba. Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, bumba, bumba, bumba, bumba. Pero igual que combatimos, bumba, bumba, bumba, bumba. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Chant de la résistance espagnole à l'invasion napoléonienne, El Paso del Ebro reprenait sous ce donc titre-là et thème musical-là, eh bien, un thème-texte pour magnifier une action militaire républicaine pendant la guerre civile de 36-39. Dans les années 60, en pleine glaciation franquiste, des étudiants libertaires anonymes profiteront à leur tour de cette musique chargée de symbolique et d'histoire pour exprimer joyeusement quelques idées. Je reprends là le descriptif de Serge Ujiroyo, que j'avais aussi sélectionné éventuellement en pause et respiration musicale. Serge Ujiroyo, qui lui aussi a rendu de nombreux hommages aux inoubliables acteurs et actrices anarchistes de l'épopée révolutionnaire espagnole de la fin des années 30. Mais on était là via un morceau et un enregistrement 78 tours d'époque, en version CD néanmoins, enregistré par le chœur et orchestre de Barcelone, si je ne me trompe. Voilà, de nombreuses reprises, bien sûr, de ce titre traditionnel, hein, grande tradition de la chanson sociale, Paso del Ebro. Fred voulait préciser aussi que cette chanson avait été reprise par la chorale stéphanoise La Barricade, oui, notamment, qui a pris aussi repris de nombreux classiques chants révolutionnaires. Voilà, chorale La Barricade, bon, en lien avec la CNT stéphanoise. Bon, voilà, on retombe sur... En lien, mais qui n'est pas la chorale de la CNT. Ah non, pas du tout, mais qui l'accompagne des fois dans les manifestations. Très souvent. Donc, oui, donc tout ça, cette chanson, pour un petit peu parler du contexte historique. Donc, moi, je ne suis pas historienne, hein, donc je vais brosser à grands traits un peu ce qui s'est passé à cette époque-là pour les gens qui ne connaissent pas, puisque dans les entretiens, on va en entendre parler un petit peu. Donc, Espagne 1936, donc il y a eu des élections le 16 février 1936 qui ont vu le triomphe du Front Populaire. Il y avait des grandes tensions à l'époque entre l'extrême gauche et puis des fascistes, ce qu'on allait appeler les phalangistes. Voilà. Et donc, au niveau de ce Front Populaire, donc, on avait une alliance large qui s'est constituée au niveau du Parti Socialiste. Il y avait le Parti Socialiste, le Parti Communiste, l'Union Générale des Travailleurs. Bon, il faut aussi signaler une grande, grande présence anarchiste en Espagne à cette époque-là, puisque la CGT, qui était la plus grande confédération syndicale en 1936, comptait 1 500 000 adhérents environ. Il y avait également donc, la FAI, Fédération Anarquista Ibérica, donc était plutôt un groupe politique, qui a compté jusqu'à 100 000 adhérents durant la guerre, bon, ce qui est comparable au nombre d'adhérents du Parti communiste espagnol, si mes informations sont bonnes, mais je rectifierai la prochaine fois si j'ai dit des bêtises, je me ferai tirer les oreilles. Et puis donc ce Front Populaire triomphe en février 1936, puis après on a 18 juillet 1936, tentative de coup d'État militaire, donc, qui commence au Maroc espagnol avec Franco, le général Franco, commandant des troupes. Et puis, donc, progression rapide donc des militaires au sein de l'Espagne, bon, avec exécution des opposants, enfin, coup d'État militaire, soulèvement nationaliste. Le 20 juillet, qui a retenu apparemment comme la date de fin du coup d'État, approximant un tiers du territoire est contrôlé donc, par les rebelles. donc sous la direction de Franco, donc essentiellement des zones agricoles. La plupart des grandes zones industrielles et des grandes villes, Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao notamment, leur échappent. Dans ces grandes villes, bien sûr, on a une forte implantation ouvrière, donc notamment à Barcelone, donc la CNT a organisé très tôt, dès les débuts du coup d'État, donc la résistance en distribuant des armes. Voilà, la population a été armée. Et puis bon, donc le coup d'État est stoppé. Voilà, puis on a des positions, bon, une guerre qui se met en place, la guerre civile espagnole. Donc avec au départ une bonne résistance des anarchistes, des communistes, des socialistes, du Front populaire, du gouvernement républicain. Mais après, ça a basculé suite au déséquilibre au niveau de l'aide internationale, puisqu'on a eu donc non-intervention de la France et du Royaume-Uni. Bon, même si des individus ont fait rejoindre les brigades internationales pour défendre donc la République espagnole. Staline a livré des armes, par contre, à l'Espagne, mais en échange des réserves d'or espagnoles, donc c'était pas vraiment un don. On a eu un don, par contre, de la part du Mexique, qui a envoyé 20 000 fusils et puis 20 millions de cartouches. Mais en face, par contre, on a une aide très forte aux côtés des franquistes, on a eu l'aide allemande. Donc là, qui ont fourni des hommes, de l'aviation, le célèbre bombardement de Guernica donc par l'armée allemande. Et puis les Italiens également, donc 700 avions, 250 chars, donc des gros moyens mis en place donc par les dictatures qui montaient en puissance et qui se sont servis aussi de l'Espagne un peu comme laboratoire pour leur volonté guerrière. Donc la guerre civile espagnole, qui verra bien en 1939 la victoire de Franco avec cette aide. Mais il y a la guerre civile, mais on n'en parle pas très souvent, on l'oublie, enfin pas trop à la CNT, pas trop dans le monde ouvrier anarcho-syndicaliste stéphanois rouennais en particulier. Il y a eu en parallèle donc une révolution sociale en Espagne, une révolution libertaire, donc avec caractérisée par une très forte décentralisation, une collectivisation et l'autogestion dans le domaine économique, donc dans de très nombreux secteurs, notamment des collectivités agraires, mais également au niveau des villes. Bon, il y a eu la mise en place, donc, par exemple, moi, je pense aux distributions d'énergie, les tramways de Barcelone, donc beaucoup de secteurs comme ça qui ont été, puisque les patrons étaient partis à l'arrière avec leurs amis franquistes, avec également les curés qui ont fui derrière les lignes franquistes, donc on avait possibilité de s'organiser autrement et puis de fonctionner différemment. Donc en parallèle, donc, cette collectivisation, de cette autogestion dans le domaine économique, il y a un grand libéralisme dans les domaines moraux et sociaux. Donc, il y a un moment dans les entretiens, un de nos deux protagonistes indique que les avocats étaient très sollicités par des demandes de divorce, là, tout de suite après au début de la révolution. Bon, et puis beaucoup d'anticléricalisme également dans cette révolution, l'anticléricalisme présent, et puis également des évolutions au niveau éducatif avec le rationalisme. Bon, on pourra peut-être revenir sur ces choses-là peut-être la semaine prochaine. Bon, il y aurait tellement à dire à partir des entretiens à réaliser. Bon, on va ensuite passer un premier extrait. Donc on va entendre Berenguer. Donc Berenguer qui est né en 1930, c'est le plus jeune de nos deux protagonistes. Donc Berenguer, son père était très impliqué politiquement puisqu'il faisait partie de la FAI, de la Fédération Anarquista Ibérica. Et puis, bon, il a participé. Donc, après, son père est né en 1906. Il était tout petit. Il a commencé à travailler aux mines, aux Asturies. Bon, il y a eu un soulèvement en 1934, une grève générale. Et puis, avec l'établissement d'une république provisoire. Donc là encore, si je dis des bêtises, les collègues me tireront les oreilles. Mais donc son père a vraiment été très, très politisé, très impliqué. Et puis, il va se retrouver après aux côtés de Durruti. Donc dans ce premier extrait, donc c'est un extrait qui est un petit peu piqué au milieu du repas, donc on a fait la première partie là où il y avait des bruits, donc j'ai fait un petit bricolage maison avec un premier bout d'entretien où Berenguer parle de son père, qui dure à peu près une minute. Après j'ai mis un petit bout de musique, c'est la Sardana de las Monjes, donc c'est du même CD là, dont on vient de diffuser un extrait, toute petite pause musicale. Puis après Berenguer revient pour parler de lui enfant en 1936, donc à Barcelone, la famille est à Barcelone. Et puis on va en particulier le retrouver au milieu des affrontements qui ont eu lieu en mai 1937 à Barcelone, donc les petit peu la guerre intestine à l'intérieur de la guerre, qui, voilà, parce que les communistes qui étaient au pouvoir, puis qui avaient de la force, parce que comme Staline leur envoyait les armes à eux, là, c'est un peu eux qui dictaient, hein, qui essayaient de dicter un peu les règles du jeu, puis ils n'aimaient pas trop tout ce qui était anarchiste, tout ce qui était collectivisation, enfin, voilà, ils ne voulaient pas cette révolution, ils voulaient gagner la guerre d'abord, être au gouvernement, gagner la guerre, ils ne voulaient pas. Et donc il y a eu des affrontements, bon, que... Si vous n'avez pas envie de lire des livres trop savants, vous pouvez également avoir des informations. Donc c'est bien illustré par Hommage à la Catalogne de George Orwell ou par London Freedom, le film de Ken Loach, donc qui retrace ces événements-là. Mais donc on va entendre Berenguer qui parle un petit peu de son père, puis après qui parle de lui enfant, donc à 6 ans, 36. Mon père, avant que Franco, la CNT, il avait commencé à préparer parce qu'il savait que Franco il allait faire quelque chose. Il est parti, il est resté au moins 3-4 mois sans venir à la maison. Pour préparer, aller voler du matériel et ce qu'il fallait. Quand il est venu, il est rentré, il était à la faille, il est rentré, comme ça s'appelle, bon, je ne me rappelle plus, il est rentré, il a resté quoi, un mois, deux, il est parti au fond, il est parti avec Edoruti. Il est parti là-bas au fond, il est venu quand ils ont voulu militariser les... Mon père, il n'a pas voulu, il a dit non, moi je ne suis pas militaire, il était commissaire de division là-bas. Oui, mais c'était pas pareil. Mais quand ils ont voulu donner les grades des commandants, quelque chose qu'ils devraient donner, il n'a pas voulu. Il est revenu à Barcelone et après c'est... Quand mon père il partait, avant 36, juste à un moment de la... Ah oui, vous vous souvenez. Mon père, il partait à côté, moi j'étais derrière, sans que lui, il les voit. Quand il, mettons, il y avait les soldats avec, qui sortaient des pédables, c'est ça, le quartier pour couper, j'étais avec les Franco, j'ai vu comment ils sortaient de la CNT avec des bombes qui faisaient avec des balles de sardines et n'importe quoi. Ils ont arrêté les soldats, et les soldats, ils se sont révoltés contre les militaires des grades, ils ont arrêté, ils sont restés avec la CNT. Tu t'en souviens, ça? Ah ben là, tout le monde, je l'ai vécu. Tu avais quel âge? 6 ans? 6 ans. Ben, 6 ans. Ouais. Combien? 6, elle est 36. Ouais, ouais. Ah, ouais, même, je m'en rappelle quand il y a eu la ton révolte. Ton père, il disait pas rentrer à la maison. Mon père? Ben, il savait pas. Et des fois, quand il me voyait, c'est pas lui qui venait me chercher, il envoyait quelqu'un d'autre. Parce qu'il savait que je me sauvais. Il y a eu la révolte entre les communistes et la CNT, et moi, après, j'y étais. En 37, donc, là. Hein? Ah oui? En 37, oui. Ouais. Au mois de mai. J'étais au 3e étage, même, il y avait un camarade qui... Il a été touché, il a été tué. Hein? Un compagnon. Compagnon, voilà. Hein? Et il était là, il a été tué à côté de moi. À 7 ans? Ah, ouais, hein? Mais tu sais, hein? Tu faisais quoi? Voilà. Qu'est-ce que je faisais? J'allais à l'école et quand je pouvais me sauver, j'allais voir ce que mon père était là. Après, quand il est parti, mon père est parti au fond. Après, non, je ne suivais plus. Après, j'avais perdu tout. Oui, on allait un peu partout parce qu'on allait à l'école. Qu'on allait, 36, c'était un machin de découvrir, comment on appelle ça? Les frères de l'école. Oui, machin, bien sûr, c'était grand là-bas. C'est là-bas que la CNT a monté les écoles des quartiers qu'on habitait. Et quand tu as vu le mort à côté de toi, tu te souviens de l'impression que tu avais Mais j'en avais encore l'impression. Mais j'en avais vu déjà avant. Ah. J'en avais vu avant, l'impression. Je l'ai vu même quand les Francs bombardaient, qu'il y en avait des morts. Oui, donc voilà, bon, c'est Berenguer qu'on entend principalement, mais il y a aussi des interventions. Donc l'intervieweur privilégié, là, c'est Daniel Colson. Puis il y a Antonio aussi, qui a 3 ans de plus que Berenguer, qui aussi intervient. Bon, il le reprend notamment quand Antonio dit un camarade. Quand Berenguer dit un camarade, Antonio lui dit non, compañeros, parce que les camarades, bon, c'était les communistes qui disaient comme ça. Donc voilà, Berenguer était à Barcelone, donc... au début de la révolution, de la guerre civile. Donc on va passer maintenant à un autre extrait, de l'enfance d'Antonio, donc un petit peu plus vieux. Lui, il avait donc 9 ans, 36. Et le contexte est différent, puisque Antonio et sa famille donc étaient dans une famille située dans un, il appelle ça un petit village, mais après il nous dit qu'il y avait quand même 2000 habitants, donc un bon petit village pas loin de Saragosse. Et voilà, puis il parle de, dans cet extrait, donc il parle lui de comment ça s'est passé au niveau de sa campagne. Donc c'est des gens du Poum qui sont arrivés dans son village, et son père qui était plutôt républicain, mais beaucoup moins, pas du tout guerrier, pas du tout militant anarchiste comme le père de Berenguer. Voilà, Antonio nous raconte comment il a vécu ça. Si, moi j'ai vu les premiers morts que j'ai vus, comme ça, des morts violents, c'est les gars des Poum qui sont venus au pays. Qui? Les Poum. Le Poum. Oui. C'est eux qui sont rentrés dans mon pays pendant la guerre. C'était les trotskistes, non, les Poum? Non. Ah non, attends. C'est les communistes dissidents. Ah, et donc, c'est les gens du Poum qui sont venus dans mon pays. Et parce que c'était Francis, bon, bah, il n'y avait pas de frontières entre les républicains. Mmh. Les arrivaient, partaient, revenaient. Et d'un seul coup, il y a quand même une espèce d'église à 2 km, on voit le drapeau rouge qui. Alors, oh là là, on savait bien qu'il y avait la guerre civile, mais on n'avait pas vu que les phalangistes qui venaient nous insulter, nous traitaient tous les noms, mais vraiment. Et donc, d'un seul coup, paf, le drapeau rouge à 2 km. Espèce de. Parce que vous étiez dans la zone franquiste. Et il n'y avait pas encore des zones, il y avait été comme ça. Et donc, il y a des gens du pays qui sont allés chercher, qui étaient déjà plus ou moins révolutionnaires, ils ont dit descendez. Il n'y a personne, donc ils sont descendus, mais ah, il y a déjà le curé et les plus riches du pays, ils avaient parti à Saragosse déjà. Quand ils ont mis le drapeau rouge, ils sont sauvés. Hein? Et pour revenir à. Pour les morts, ah oui, d'accord. Alors, parce qu'il faut dire les choses telles qu'ils sont. Quand on parle. Non, ça va, merci. Quand on parle de quelque chose, il faut parler sérieusement, on ne peut pas dire. Alors, ça va arriver que. Les gens de Poum, ils sont arrivés, ils ont commencé à faire un peu le communisme libertaire, parce qu'ils ont commencé à supprimer l'argent dans le pays, c'est ce qu'ils ont parlé, supprimer l'argent. Le Poum. Le Poum, oui. Et là, donc mon père, il travaillait à la mairie. Donc c'est lui qui s'occupait, mais je me souviens très bien que c'était les bons pour des espadrilles ou un kilo de viande. Et c'est lui qui. Mais ils ont récupéré tous les moutons et tous les vaches qu'il y avait, ils sont venus en communauté. Et Poum. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ça? Ils ont fait quelque chose de dégueulasse qu'ils ont fait. Alors, il y avait, à l'époque, on parle de la misère, il y avait des gens qui vivaient 50 pesetas, au type à l'épicier d'à côté. Hein? Alors, qui était peuplé donc, il y a l'autre, des pilicoles comme ça. Alors, ces gens-là qui sont soi-disant révolutionnaires, ils sont dit aux gens de Poum. Bah, entre l'entrée, c'est des salopards, c'est des fascistes, il faut les tuer. Ils ont fait un espèce de tribunal un peu sommaire, bah, ils sont condamnés à mort. L'épicier et le maître d'école, que j'ai encore la photo quand j'étais à l'école avec lui, et deux en plus, deux ou trois. Et donc, on a su, les gamins, on a su, il y avait 9 ans, et on a su qu'ils étaient fusillés. Alors, la cruche était malsaine. On a dit, les gens du village, les gamins, les trois gamins, on a dit, on va voir les morts. Ben, ça fait une impression. Hein. Quand j'ai vu les 5 types morts comme ça au cimetière, alors j'ai dit que ça ne fait rien, mais ça m'a marqué pour toute ma vie, ça. Alors maintenant, c'est pour ça que je suis plutôt anti-violent, parce que quand j'ai ça marque des malades, 5 types qui on connaissait très bien. Parce que, L'instituteur, il était de droite, mais c'était quelqu'un qui s'est dévoué pour le village, mais ils l'ont tué, parce qu'ils se disaient, bon, il y a toujours des combis, mais plutôt, c'était des limités dans les pays, des fois, parce qu'on devait 50 pesetas à quelqu'un, il fallait les tuer, parce qu'on ne les reconnaît plus, hein. Mais parce qu'il faut regarder les choses qu'on a fait aussi mal. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Si on dit tout l'homme est le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, et bien non, il faut dire qu'on a fait des choses mal faites. Ça, c'est le Poum qui l'a fait, d'accord, c'est pareil. Mais, et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont mis en prison, une 20aine de personnes aussi. 2 frères à mon père. Mon père, il était républicain. Ouais. Il travaillait pour faire l'administration, quand il fait. Et 2 frères en prison. Thank you. Vous êtes bien sûr Duo 89.5 sur la bande FM dans l'émission mensuelle consacrée à la mémoire du monde ouvrier stéphanois avec l'association de Grémos, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, pour une émission aujourd'hui réalisée par des membres actifs du Grémos. Il y a Frédéric Barré qui est avec nous aujourd'hui en direct pour animer cette émission consacrée à la guerre d'Espagne. Oui, donc on va poursuivre donc en laissant beaucoup la place à la parole des deux témoins, là, Antonio et Berenguer, qu'on écoute. Et donc après, ces passages qui concernaient l'enfance, on va passer maintenant un petit peu à l'adolescence, l'âge adulte. Bon, une histoire un peu différente pour chacun des deux, puisque Antonio, son père, a été parti d'Espagne en 39, mais il est revenu pour se retrouver en prison. Tandis que Berenguer, lui, son père, est parti d'Espagne en 39, qui était donc plus impliqué, militant anarchiste. Et puis Berenguer n'a pas vu son père pendant 10 ans. Donc on va entendre maintenant un nouvel extrait, interview de Berenguer, donc dans la partie d'entretien plus formelle. Berenguer nous raconte, dans les années 40, en 45, il se retrouve du coup à Barcelone avec sa mère, sa sœur, mais le papa n'est pas là, il ne va pas le revoir pendant 10 ans. Et je vous laisse l'écouter. Le père, on sait que j'habitais, il savait arrêter deux jeunes qui faisaient des articles, mais c'était de la CNT. La garde civile était venue les arrêter. Alors c'est là qu'on commençait. On était un groupe de gamins, 4 ou 5, qu'on se promenait, on se disait pas qu'on était de la CNT, mais on le savait. On savait que son père, il était de la CNT, mais lui, il savait pas que mon père, il était de la CNT. Parce que nous, quand on arrivait à là-bas, nous, on venait d'un autre endroit. On habitait, mettons, à Barcelone, on venait à Hospitalet, c'est la banlieue déjà. Mais vous voyez, parce que tout ce qui était dans le quartier, beaucoup qui venaient d'Andalousie, c'était tout des républicains, ce n'était pas des franquistes. Oui, il y en a eu, comme syndicat, oui, il y en avait. On avait formé une équipe de football. Et celui-là qui s'en occupait de nous, c'était un communiste. Et le père, c'était un communiste, il venait sortir des prisons. Et je me rappelle, on avait été joué contre l'escola industrielle qui est à Barcelone, tu as connu. Ils étaient des phalangistes tous. Alors, on jouait au ballon, on gagnait 4-0, mais naturellement, et contre les phalangistes, ils étaient en colère. Et je me rappelle, on avait un copain, un fils, celui-là qui il était communiste, son père. Il s'était fait tordu le bras, et avec le chef de phalange qu'il avait, il était parti avec lui à la clinique. Alors, ils sont restés sans lui, le chef de phalange, et nous, on est restés sur celui-là qui nous gardait. Et on est sortis de là-bas à coups de bâton. Ils ont commencé à tricher, et on s'est bagarré, on a commencé à taper à droite et à gauche, et aussi, après, on a sauté, et on est parti. Le match de foot. Alors, je me rappelle, le bonhomme de Falange, il est venu une fois, il passait, il savait où c'est que j'habitais, mais il ne savait pas où c'est qu'habitait l'autre. Il me dit, on sait qu'il habite un tel. Ah ben, je lui dis, il va habiter par là-bas, je voulais dire le contraire. Et après, je l'ai pris. Mais les autres, oui, son père, il était communiste. Ils ont joué au ballon. C'était déjà en 30, ça, c'est en 46, là. Tu savais qu'il était communiste? Et ça veut dire que le père, on savait qu'il était communiste parce que ma mère, il connaissait. Ma mère, il connaissait sa femme. Et c'est des gens que ma mère, il les connaissait, il savait que le père, il était communiste. Et toi communiste? Mais communiste, non, ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien. Moi, les plus que ça me disait plus, c'était les CNT failles. Mais on n'entendait pas beaucoup. Après, par la suite, on a commencé à comprendre un peu, mais des groupes dits appartenir un groupe à l'autre, non, parce que tout le monde, il n'y avait pas, il n'y a pas beaucoup de choses à se dire, hein. Et surtout que ça tombait, quand on était là à Calle Vallespir, en 40, ça veut dire que la maison qu'on habitait, on sait qu'on habitait après, il y en avait à peu près 300 mètres, pas plus. Mais Quintela, c'était le chef de la police de Barcelone, il venait à là-bas, on sait que mon père et on était, il demandait toujours pour nous, pour mon père et pour ma mère, pour la famille. Et l'autre, ils sont dû partir enfin. Il a été trois fois là-bas. Déjà, ma mère, il avait préparé le voyage pour partir au village. parce qu'il avait, la, il avait peur. Mmh. Et il avait été les voir une autre fois, il dit, bon, là, ça fait un moment qu'il ne vient plus. Il n'a pas bouché, il y a qu'on a bouché quand ils nous sont foutus dehors. Parce qu'on ne pouvait pas payer, on n'avait pas de sous. La maison, elle était très grande. Alors, on a été obligé de partir chez un cousin. Après, on était obligé de partir chez une autre de la famille. Après, on était de la famille. Et après, on est venu en France. Alors, ça veut dire qu'on habitait, comme lui dit, si vous voulez, nous, et, la dernière qu'on habitait, c'était un grand. Il y avait un côté les cochons. Et il y a un cousin, ma mère, qui nous avait réparé pour habiter. On était dans une chambre à peu près comme ici, tout ça. Même pas, mais pas la largeur, comme ça. Hein. Ça. Ouais. Il y avait deux lits, trois lits. Il n'y avait pas tant de luxe non plus. Hein. Et pour faire à manger, c'est, ils avaient mis une tôle, ces cousins-là, ils avaient mis une tôle pour que ma une tante que j'avais, il coupait des bois et après il le vendait. Oui, donc voilà, quand le papa n'est pas là, la maman, les enfants, c'est vraiment la misère, la famine, voilà, très difficile. Donc après, ils sont partis en France. Bon, là, au niveau des entretiens, bon, pas plus de détails concernant la façon dont Berenguer est passé en France. Donc, il a retrouvé le père, qui était réfugié politique en France. Et maintenant, on va repartir vers notre deuxième protagoniste, Antonio. Donc, Antonio, lui, donc, on va découvrir tout son voyage. Donc là, il nous raconte, puis il a un vrai talent de narration. Très à l'aise oralement, donc on va se laisser porter dans ce voyage, donc dans un premier temps jusqu'à la frontière espagnole, puis après en France. Donc on laisse parler Antonio. À partir de 11-12 ans, j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait, c'était obligé, on n'avait rien. Et mon pays était en prison. Et après, bien sûr, j'étais anti-franquiste, et quand il fallait faire le régiment, alors avec un copain, j'ai dit, écoute, moi j'ai pas envie de faire le régiment. Et avec Franco surtout, je vais partir. Alors, quelque part, il était plutôt bien modéré, plutôt à droite, toute sa famille. Parce que, et donc, mais je vais partir avec toi. Bon, alors, on va partir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On trouve un bistrot, un bonhomme. Je ne sais pas comment on a trouvé ce bonhomme qui dit, mais si vous voulez passer en France, moi je peux vous passer en France. Parce que j'ai mon beau-frère, je ne sais pas qui est dans les douanes et on pourra passer facilement. Alors, il dit, mais je dois de l'argent à la pension. Bon, on a payé la pension, on part avec lui, tous les deux, et le bonhomme. Alors, on remonte dans le train pour aller de Saragosse à Saint-Sébastien. Et alors, les flics arrivent. Parce qu'alors, ils passaient dans tous les trains, avec papier. Et ben, le papier. Vous allez où? On va à Saint-Sébastien. Ah oui, Saint-Sébastien, vous allez en France? Non, on va à Saint-Sébastien. Et j'ai commencé à expliquer, j'ai dit, mais non, je suis garçon de café, et comme Saint-Sébastien, c'est une ville balnéaire, tout ça, j'ai dit, c'est le moment qui embauche des garçons de café, et j'y vais là-bas. Bon, alors, à Pampelune, il nous prend les papiers, il dit, vous descendez à Pampelune, on verra bien ça. Alors, on avait des petits trucs, en attendant, on s'en foutait dans les toilettes. Et on arrive, et le gars dit, bon, vous allez où? J'ai dit, écoutez, je vous ai dit que je suis garçon de café et je vais travailler à Saint-Sébastien. Alors, le policier, sortez-lui. Il me sort, je vais discuter avec l'autre. Donc, ils nous ont laissé partir. Alors c'est parti, donc on arrive à Saint-Sébastien, on prend une pension avec le bonhomme qui venait avec nous, qui n'a rien dit. On n'a pas dit qu'on allait avec lui. Alors le bonhomme, il dit, bon, je vais voir mon beau-frère et on passera la frontière, ne vous inquiétez pas. Mais comme j'ai dit, on avait été boxeurs, on connaissait les boxeurs de Saint-Sébastien. On était les voir pour discuter un petit peu avec eux. Et c'était comme ça. Et le bonhomme, il dit, bon. Alors, j'étais voir le bonhomme, enfin mon beau-frère, je ne sais pas qui, mais vous n'avez pas assez d'argent. Il faut me donner plus, sinon vous ne passerez pas. Alors, on m'a dit, écoute, on a donné tout ce qu'on avait, et bien, il n'y a pas assez. Alors, les gabardines. Alors, l'argent, les gabardines, il s'en va, on ne l'a plus revu. Oui, tiens. Il va le voir dans quelques temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sans argent, on devait l'argent de la pension. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, notre ami Sébastien, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à ses copains. les Saragosse, il explique. Alors, parce que comment boxer ? Alors, il ne nous voyait pas à Saragosse. Il dit qu'où ils sont partis, Escanero et Sébastien ? Il dit, oh, ils sont partis faire un combat à Valence. C'était pas vrai. Enfin, alors, mais quand l'autre a téléphoné pour dire, écoute, on est pris, on n'a pas d'argent. Il dit, écoute, débrouille-toi, demande aux copains qui nous envoient de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait ? La famille, il a attrapé, il a dit, écoute, il faut nous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'autre, il a avoué. Il dit, oui, oui, ils sont à Saint-Sébastien, il m'a téléphoné, et ils n'ont pas d'argent pour payer la pension, ils sont coincés là-bas. Alors il arrive l'attentat à mon copain, avec la nourriture, il avait de l'argent pour payer la pension. Alors il dit, maintenant vous rentrez à Saragosse, c'est fini cette histoire, vous rentrez à Saragosse. Alors mon copain, mais non, si on s'est tout préparé, on va partir. Non, vous rentrez à Saragosse, c'est fini cette histoire. Mais à la fin, il est parti, il nous a laissé à Saint-Sébastien. Mais il fallait passer à la frontière. Alors on a dit aux copains boxeurs, on a dit, écoute, il nous arrive que le type, il nous a piqué l'argent, les gabardines, tout ça qu'il avait, et maintenant, on veut passer à la frontière, mais comment ? Il a dit, écoute, nous, on peut pas te passer, ce qu'on fait, c'est t'approcher le plus possible de la frontière, et après vous passez comme vous voulez. Donc, il nous approche avec l'autobus, le tramway, il dit, maintenant, débrouillez-vous. Vous voyez, passez là tout droit, et dans 3-4 heures, vous allez trouver le Bidasoa, c'est la rivière qui fait la frontière, l'Espagne et la France, et là, une fois que vous passez la rivière, vous êtes en France. Ah bon ? Mais on a passé comme ça, hein, ni boussole, ni argent, ni rien. Bon, on commence à marcher. J'ai arrivé déjà le soir, j'ai dit, on dit une pipe, on aurait dû arriver déjà à la rivière. Hein. Et bien, la rivière, pas du tout, pas de rivière. On a marché encore, pas de rivière. Alors, on était obligé de coucher comme ça, à la montagne. J'ai dit, écoute, on ne marche plus, on va coucher là, on verra bien demain matin. Alors, le lendemain matin, on commence à marcher encore. Et d'un seul coup, la chance, on voit la rivière. On a dit, ça y est, on est content, on va arriver. Donc, il y avait le pont qui passait la rivière, mais j'ai dit à mon copain, il ne faut pas passer le pont, parce que c'est un petit pays, ils vont voir qu'on n'est pas du pays, ils vont nous demander qu'est-ce qu'on fait. Des personnes à 20 ans, qu'est-ce qu'ils font ici, c'est rien qu'on ne connaît pas. Alors j'ai dit, il faut passer à la nage, ou comme on pourra. Donc on a passé la nage, de l'autre côté tout mouillé, on arrive tout mouillé, et on voit une petite dame qui était, je ne sais pas ce que je faisais, il s'est promené comme ça, et on lui dit, et on est en France, en Espagne. Oh, il dit, mais vous êtes en Espagne, il y a de l'armée, la police qui passe tout le temps, oh là là, vous pouvez partir tout de suite. Oh là, désespoir. Alors, on recommence à marcher encore. Bon, il explique, après, on marche, et il arrive la nuit. Alors, on a dit, comment on va faire ? Alors, on dit, comment on va faire ? Il y a une ferme à côté, on va voir s'il parle français ou espagnol, parce qu'on était complètement perdu, on ne savait pas où on était. Alors, je dis à mon copain, qui était moitié curé, qu'il avait dit qu'il avait appris l'espagnol et le français. J'ai dit, écoute, tu as appris l'espagnol chez le curé et le français, et bien tu vas écouter. Alors, on se met tous les deux comme ça. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il parle ? Français ou espagnol ? Il dit, je ne comprends pas. Alors, après, on a compris que c'était des Basques. Alors, bien sûr, alors, on arrive quand même à la ferme, on dit, voilà, écoutez, on va passer la frontière, et on est perdu, c'est la nuit, on va se casser la figure, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là, il dit, vous pouvez nous donner quand même dans un grenier, dans la paille, tout ça. Il dit, non, vous ne pouvez pas rester ici, parce qu'il y a les carabiniers et la police qui passent, ils font tout souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, alors ils vont vous attraper. Alors, il fallait continuer à marcher encore. Alors après, on ne marchait plus, c'était noir comme... je ne vais pas dire une grosserie, mais... Donc, j'ai dit, je n'ai plus marché. Écoute, je me couche là, il y avait un paquet de paille là-bas, et j'ai dit, je me couche là, on verra bien. Donc, j'ai couché encore une fois, dans la montagne, et le lendemain, il a fait le jour, on a commencé à partir, et d'un seul coup, on a vu la route, et il y a un bonhomme qui se promenait. Avec eux, en charge, je ne sais pas quoi. Et on nous demande, on est en France, en Espagne. Il dit, vous êtes en France. Il s'est dit, mais vous parlez espagnol, comment ça se fait ? Parce qu'on se méfie quand même des trucs comme ça. On dit, tiens, Il dit non, non, mais on est à la frontière, on parle espagnol et français des deux côtés. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Desde la brigada a mí esta primera línea de fuego. Desde la brigada a mí esta primera línea de fuego. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si tu veux m'écrire, tu sais mon adresse. Bon, c'était un peu ironique. Là, cette chanson, bien sûr, concerne les combattants républicains espagnols, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux exilés. Là, si tu veux m'écrire, tu sais mon adresse. On va continuer de suivre Antonio, là, sans adresse, pour encore un petit moment. Antonio sur les routes, là, avec son collègue. Donc, on les retrouve juste après la frontière. Donc, cette fois-ci, ils sont enfin en France. On va continuer à marcher. Il y a un bonhomme qui nous arrête. Et là, le bonhomme qui nous arrête, il dit, vous allez où? Bah, il dit, écoutez, on vient d'Espagne. Venez avec nous, avec moi, parce que je suis le douanier, à voir qu'est-ce que vous avez dans les poches. Il nous restait, je ne sais pas combien, quelques pesetas, il nous a tout piqué. Et il dit, maintenant, vous allez chez le gendarme, Andaille. Bon, bah, chez le gendarme, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, on a réussi le gendarme, on avait faim, j'ai dit, il faut nous manger quelque chose en espagnol. J'ai dit, c'est... J'ai dit à Firmin, écoute, toi que tu parles français, tu peux demander quand même. Hein? Il dit, mais c'est pas rien. Donc, j'en donnais un morceau de pain. Il dit, mais vous ne pouvez pas rester là, à l'Andaille, et vous allez à Bayonne. Donc, à Bayonne, bon, c'est les flics, c'était déjà important. Et je ne savais pas quoi faire. À la fin, il y a un type qui dit, bon, ben écoutez, vous ne pouvez pas rester là. De toute façon, on a des ordres du gouvernement français de vous donner un bon pour voyager. Jusqu'à Bordeaux. À Bordeaux, il y a un camp pour les réfugiés politiques. Et dans ce camp-là, les patrons, ils viennent chercher les ouvriers pour les embaucher. Bon, d'accord. Alors, donc, et le train, il part à quelle heure? À 10 heures. Vous allez arriver à Bordeaux vers 2 heures du matin. Moi, j'ai dit, ouf, avec quel retard que sont les trains, on va arriver à 6 heures du matin. Tu vas voir. Mais j'ai mes filles, alors j'ai dit à mon copain, écoute, tu surveilles et je vais dormir. Et après, on fera le contraire. Donc, il surveillait, Alors, de temps en temps, il venait me voir. Et j'ai dit, c'est mais... Alors, tu as vu Bordeaux? Non, non, non, je n'ai pas vu Bordeaux. J'ai dit, mais c'est une grande ville. Non, non, mais je n'ai pas vu Bordeaux. Dans, à une demi-heure après, il vient, il dit, oh, ben, mais écoute, j'ai vu une grande ville quand même. C'était grand, la gare, hein, c'était une grande gare. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as vu? C'était Bordeaux? Il dit, non, j'étais sorti. Ben, si j'étais sorti, ben, c'est pas Bordeaux, alors on n'ira plus là. Alors donc, si moi c'était Bordeaux, bien sûr, mais lui, il avait sorti, alors... Alors il dit, bon, bah, écoute, de toute façon, tu sais, c'est sûrement que c'est pas Bordeaux, parce que... C'est... Et on a continué le train, et d'un coup, je me suis dit, écoute, il faut s'en renseigner quand même, si on est loin de Bordeaux, on a passé... Alors j'ai demandé à un bonhomme, il était, il les voit comme ça, j'ai dit, alors Bordeaux, mais bien loin. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, marche arrière. Non, marche arrière. En train de lui dire, mais marche arrière. Donc, j'ai dit, bah, écoute, on va à Paris. Mon copain, il avait dit, une adresse des copains. Il dit, bah, écoute, on va à Paris. On verra bien. Alors, on a arrivé, avant d'arriver à Paris, contrôleur, billet. Alors, on le fait le bon que nous ont donné pour Bordeaux. Alors, le gagnant, il dit, oh, pardon, il commence à faire des comptes, et paf, il nous présente la facture. Il m'a dit, on n'a pas un sou, on n'a rien. Ah bon, il m'a dit, Paris, là. On a dit, oui, oui, d'accord. Nous, on croyait qu'il allait nous faire quelque chose, je ne sais pas. Et ben, il arrive, il nous amène à la police de la gare. La police de la gare, il dit, maintenant, venez avec nous à la préfecture. La préfecture, il dit, ben, il faudra repartir à Bordeaux. Mais en attendant, vous allez en prison. Ma prison. Alors j'ai commencé à dire, voilà, alors là, cette histoire commence à finir, parce qu'on ne parle pas un mot français, eux, ils ne parlent pas espagnol, et personne ne nous connaît. Alors j'ai dit, passé, on va rester combien de temps ici en prison? Mais on n'a pas resté longtemps, le lendemain ou le jour après, j'ai dit, allez, revenez. Donc, à la préfecture, il dit, voilà, il faut retourner à Bordeaux. Ben, il dit, mais on n'a pas d'argent, comme vous voulez que... Enfin, on parlait en espagnol, et comme on pouvait... Oui, il n'a pas d'argent. Ah, on s'en fout. Alors il dit, vous allez à la Croix-Rouge, il donne la droite de la Croix-Rouge, vous allez à je ne sais pas où encore, et débrouillez-vous. Alors on va à la Croix-Rouge, il n'y avait personne. Alors après, j'ai dit à mon copain, écoutez, à l'adresse des amis, enfin, je connaissais aussi, j'ai dit, on va le voir, on verra bien, parce que j'ai 10 ans, ils écrivent en Espagne en disant, on est très bien, on travaille chez Renault avec une bonne paye, on est... Alors, ils nous ont dit, bon, on sera bien. Alors bon, on arrive à... On n'avait pas d'argent, mais j'ai eu le culot de demander l'adresse à un bonhomme. Il me dit, ah là, il faut là. Et j'ai dit, mais j'ai pas d'argent. Il me dit, voilà, tenez un ticket. Le ticket était déjà pensionné. J'ai dit, mais il est pensionné. Il dit, mais ça vaut deux fois. Bon. Donc, on arrive chez les copains. C'était un petit hôtel, la Motte Piquette. Et donc, petit hôtel. C'était là-bas, on demande... Et on monte dans la chambre. C'était une chambre, j'ai dit, c'était plus petit que le coin là, en repas. Hein. Alors, nous, on dit, bon, on a trouvé quelqu'un. Alors, les gars, ils sont vus arriver. Alors, panique. Ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on parle, ils disent, oh, ben, tu sais, c'est que nous, sur les trois, il y en a un qui travaille seulement, hein, et pas tout le temps. Et là, on est tous les trois dans la chambre, mais la chambre a été louée pour une personne seulement. Et les autres, ils montent en cachette pour dormir. Et il y a un petit lit seulement, un petit lit d'une personne, et dit trois personnes, tu te rends compte. Alors, on s'échange tous les jours, tous les soirs, parce que le type qui couche au milieu, il faut qu'il couche avec les mains levées comme ça, sinon il n'y a pas de place. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, écoute, il y a un copain qui dit, on va voir Victoria. Et c'était une fille qui, espagnole qui travaillait comme bonne à côté, pas loin. Alors, on est arrivé, il partait à Obal. Parce qu'on est des jeunes, je parle qu'on avait 20 ans à l'époque. Hein. Et la fille dit, écoute, je vais m'arranger avec eux parce que justement ma patronne, il a deux chambres là où il couche les bonnes à Paris. Ce sont tout le temps deux chambres là, qui sont au dernier étage pour les bonnes. Et donc on a eu la chance parce qu'on est couché là-bas bien tranquillement. Il y a encore, Victorien nous a apporté le petit déjeuner tous les matins, parce que les autres, ils mangeaient avec des figues et des dattes. Ils coupaient. C'était curieux parce que on était des gamins. Alors il y avait une flûte de pain. Alors cinq, il fallait couper en cinq morceaux. Alors on disait, le type qui coupe le pain, c'est le dernier qui choisit. Hein. Comme ça, il fait attention à couper comme il faut. Hein. Alors c'est vrai parce que, alors on regardait, le type il faisait bien attention à couper comme il faut parce que le dernier morceau, c'était pour lui, c'était plus petit. Mais donc on a vécu comme ça et après il y a des copains, justement, voilà, on revient à la CDT. Et j'ai dit, mais je ne sais pas comment on va faire. Et il m'a dit, écoute, allez voir la CNT, parce que la CNT, c'est des gens qui aident, ils vont vous aider, oui, parce que c'est des gens qui sont bien. Donc, moi, je vous accompagne à la CNT, et le type méfiant, hein, il me dit, vous venez de où? On m'a dit, Saragosse. Il dit, mais qu'est-ce que tu faisais? J'ai dit, écoute, je te dis franchement, j'ai payé une cotisation syndicale tous les mois, mais je ne sais pas qui c'était. Il me dit que tu connais qui c'est que tu... Alors j'ai dit d'autres noms, j'ai dit un tel. Alors à un moment ça a bien été, il dit bon d'accord, ça y est. On m'a donné un coup de main pour les papiers, tout ça. Il y avait un type de la CNT qui s'occupait à l'officine des réfugiés politiques, comment ça s'appelle, l'AFRO, non, l'organisation pour les réfugiés politiques. C'était un type qui travaillait, un espagnol de la CNT qui travaillait là-bas. Et il dit, écoute, on ira à Arola, ça s'appelait, bien connu. Il dit, bon, on ira aller le voir. Et, il dit, mais en attendant, bon, ben, on va voter comme ça. Et quand il dit, vous avez des papiers, c'est là qu'ils ont vu qu'on avait été boxeur. Et c'est là qu'il a dit, écoute, on peut solutionner le problème parce que vous avez été boxeur. J'y connais des gens qui sont des responsables des salles de boxe. Donc on est allé voir. Et c'est là qu'on a écouté parler d'Esterdan. Et après, on a eu l'occasion de le connaître à Charleville. Mais là, la première fois qu'on a parlé d'Esterdan, c'était lui. Donc, on a commencé à s'entraîner un petit peu comme ça. Mais ça, on a fait des forces parce qu'on avait mangé mal. Presque pas, alors. Alors, le type responsable de la salle, il dit, eh bien, écoutez, je ne vais pas vous garder ici. Je vous ai fait un contrat, mais je ne peux pas vous rester une semaine, mais pas plus. Mais il y a à Charleville, il y a un club de boxe qui demande tout le temps des renforts. Et si vous voulez aller, j'ai dit, oui, bien sûr, il faut bien faire quelque chose. Donc on a été à Charleville et on a commencé à boxer. Et, donc, on a, et après, le copain, oh là là, tu te rends compte, il fait froid à Charleville, on va crever de froid. Oui, voilà, donc on est arrivé jusqu'à Charleville. Bon, Antonio, il n'est pas encore à Roanne, mais comme son copain craignait le froid, donc après, ils sont partis un petit peu vers le sud, je crois, toujours par le biais de la boxe. Ils sont atterris à Roanne, mais là, bon, l'entretien, bon, on était dans la partie plus formelle, on avait posé un temps, et puis voilà, on arrive à la fin du temps, imparti, parce qu'on pourrait entendre Antonio parler pendant des heures. Donc, on voit le périple, la chance qui a permis d'éviter au camp, là, à côté de Bordeaux, parce qu'ils ne savaient pas trop lire. Après, bon, finalement, personne à la Croix-Rouge, donc ils évitent la prison. Et puis, la solidarité, la CNT en exil, la CNT, donc les réfugiés de la CNT espagnole, réfugiés en France, donc avec tout un réseau d'entraide, de solidarité. Voilà, et ben on retrouvera donc la... poursuivra donc la suite de l'histoire dans un mois, donc mois de juin, troisième jeudi, c'est ça de... Oui, c'est le troisième jeudi de chaque mois. Deuxième volet consacré à cette histoire-là sera prévu le jeudi 20 juin prochain. Jeudi 20 pour juin. D'ailleurs la dernière de cette saison aussi, 2012-2013. Voilà, dernière émission du Grémos. Donc on reviendra à ce moment-là un peu plus sur ce qui s'est passé à Roanne, puis peut-être avec des commentaires un peu de Daniel Colson. Bon, c'est vrai qu'après, au niveau de l'entretien, comme on était tous les deux de la CNT, on a plus orienté l'entretien donc, oui, sur des questions concernant l'Espagne, et puis aussi ce qu'ils ont fait, plus au niveau militantisme. Bon, peut-être que d'ici le mois de juin, je retournerai à Roanne, peut-être aller demander plus des informations plus liées au monde ouvrier stéphanois, au niveau des entreprises, au niveau de ce qu'ils ont fait. Bon, parce que... Voilà, ils sont là, ou peut-être qu'ils viendront, un des deux viendra ici, peut-être tous les deux, on ne sait pas. Donc la prochaine émission, elle est à préparer. Et puis pour finir, j'avais envie de mettre un petit morceau qui parlait aussi de l'immigration, des problèmes de papier. voilà, qu'ils ont eu des problèmes de papier, de lecture. Bon, c'est du coup un morceau un peu plus récent, hein, des Fabulous Troubadours, je ne sais pas l'année, mais voilà, une petite chanson avec, en référence à M. Pasqua. Ils en parlent un petit peu aussi, nos amis, dans un autre entretien. Pas un Pasqua espagnol. C'est le Pasqua, le personnage. Voilà, le personnage. La figure politique. Voilà, voilà, mais il n'aimait pas trop les gens qui n'avaient pas de papier. On termine donc sur ce morceau. Merci Frédéric. Bah, merci à Radio Je rappelle Dio, aussi merci, que l'on peut retrouver ou que l'on pourra retrouver d'ici peu, normalement, cette émission en ligne sur le site dédié du Grémos, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, via la toile. Ce sont les www.grémos.net. Pasqua ont failli l'expulser, mon ami. Pasqua ont failli l'expulser. Pourquoi voulait-il l'expulser, mon ami? Pourquoi voulait-il l'expulser? Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers. Pourquoi n'avait-elle pas les papiers, mon ami? Pourquoi n'avait-elle pas les papiers? Pasqua on lui avait pas donné, mon ami. Pasqua on lui avait pas donné. Pourquoi ne lui avait-on pas donné ses papiers? Pourquoi ne lui avait-on pas donné? Pasqua le dossier il traînait, mon ami. Pasqua le dossier il traînait. Pourquoi ce dossier il traînait, mon ami? Pourquoi ce dossier il traînait? Pasqua on voulait l'oublier, mon ami. Pasqua on voulait l'oublier. Pourquoi voulait-on l'oublier, ce dossier? Pourquoi voulait-on l'oublier? Pasqua Fatima les gonflait, mon ami. Pasqua Fatima les gonflait. Et pourquoi Fatima les gonflait, mon ami? Pourquoi Fatima les gonflait? Pasqua l'avait manifesté, mon ami. Pasqua l'avait manifesté. Pourquoi l'avait manifesté, mon ami? Pourquoi l'avait manifesté? Pasqua Nora s'est fait expulser, mon ami. Pasqua Nora s'est fait expulser. Pourquoi s'est-elle fait expulser, mon ami? Pourquoi s'est-elle fait expulser? Pasqua l'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua l'avait pas les papiers. Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers. Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers. Les papiers? Oh, il y a pas on. Y eu abonate. Tempe y pétale. Soy talomé, n'acostuma. Soy talomé, n'acostuma. Hai pas mai besoin de papier. Vos font tout de mémoire. Les papiers, mon ami, Pasqua n'avait pas les papiers. Pasqua n'avait pas les papiers, mon ami. Pasqua n'avait pas les papiers. Pasqua